vous plongeriez la tête dans le feu si je vous disais que vous pourriez voir l'enfer. En attendant, vous êtes trop con pour réaliser que vous avez un démon qui vous sort du cul en chantant « Sainte Marie, Mère Magrèle, trouve-moi, bien vivre !» Cette reproductibilité mécanique et de cette épaisse croûte qui est en train de mourir.